à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission des bons plans solidaires proposés par le GSA Arélia sur Fadjet 94.2, votre radio préférée. La Dream Team a bien travaillé ce mois-ci pour vous, pour cette nouvelle émission spéciale automne. Alors sans tarder, je vous présente nos chroniqueurs. Il y aura tout d'abord Laetitia qui nous parlera d'une recette pour lutter contre le froid, mais aussi d'un repas spécial Halloween. Et oui, ça se rapproche. Nous aurons Damien ensuite qui nous proposera des idées sur les bienfaits du sport en automne, mais qui nous parlera aussi d'une recette de soupe détox après le sport ou tout simplement pour protéger son organisme contre le froid. Viendra ensuite Alain qui va nous donner des conseils déco d'automne avec les feuilles qui tombent des arbres et des marrons toujours aussi beaux cette saison. Mais il nous parlera aussi de petits travaux de jardin à faire en cette saison. Et enfin, nous aurons Vincent qui lui s'est rendu au Mémo rencontrer Eva Piotrowski et qui nous parlera du festival Michto, un festival adapté en raison de la Covid-19 mais qui reste toujours aussi festif comme à son habitude et ce depuis 15 ans. Il nous parlera ensuite d'un jeune artiste nancéen, Antoine HLT, qui sort son second album. Et nous terminerons l'émission avec quelques bonnes infos qui se dérouleront prochainement à Nancy ou dans les environs. Voilà, le programme est bien chargé, alors on commence tout de suite et on accueille Vincent, notre spécialiste de musique et de culture. Vincent, ce mois-ci, tu vas nous parler du festival Michto. Oui, donc le festival Michto existe depuis 2005. Il a été créé par la compagnie de cirque Gaune à Maxéville. Devenu incontournable à Nancy et dans tout le réseau national cirque et art de la rue, le festival, chaque année, il permet à des milliers de personnes venues de tout le Grand Est et de bien plus loin d'y découvrir des spectacles étonnants, des artistes talentueux, des concerts et des ateliers complètement dingues venus du monde entier et de nombreuses compagnies viennent en résidence à longueur d'année. L'année dernière, ils ont inauguré le Totem, un cirque en bois et toile écolo et durable. Dû aux circonstances actuelles avec le Covid-19, le 15e festival Michto ne peut se dérouler dans sa forme habituelle. Mais pas question de disparaître pour autant. Plusieurs spectacles seront proposés du 8 au 23 octobre. 8 et 9 octobre, Daddy's Dead au Mémo. Du 10 au 11 octobre, les escapades à Champ-le-Bœuf. Donc ce sera un grand défilé. Du 16 et 17 octobre, programmation dans les rues à Maxéville. 23 octobre, programmation dans les rues à Nancy. Pour tout contact et réservation, vous pouvez les joindre sur www.festivalmichto.webly.com. Bon spectacle avec les Michto. Merci Vincent pour cette bonne chronique. Effectivement, c'est bientôt. Allez vite les retrouver et soyez solidaires. Notre seconde invitée, c'est Laetitia, notre chroniqueuse qui est spécialiste des recettes à faire soi-même et qui va nous parler ce mois-ci d'une recette d'un baume à lèvres. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un baume à lèvres. C'est une recette maison que j'ai faite moi-même et c'est super pratique. Je l'ai testé et vu que l'automne est arrivé, les lèvres vont commencer à gercer. Donc c'est super. Alors c'est tout des produits qu'on peut trouver en supermarché. Alors, je vous dis, il y a 6 g d'huile de calendula, 5 g d'huile de coco, 5 g de cire d'abeille, 3 g de beurre de karité. On fait fondre toutes les huiles et le beurre de karité au bain-marie. Ensuite, hors du feu, mélangez la préparation et versez rapidement dans un petit contenant en verre. Voilà, et c'est très pratique. D'accord, et tous les produits que tu nous indiques, on peut les acheter ou les trouver en pharmacie, en parapharmacie, parfois en grande surface? Oui, la plupart en grande surface. D'accord, très bien. Eh bien, merci Laetitia pour cette bonne chronique. Et maintenant, on retrouve Damien, notre chroniqueur spécial sport, ce mois-ci, Damien, je crois que tu vas nous parler des bienfaits du sport en automne. Avec le changement d'heure, l'arrivée du froid et les fêtes, l'automne n'est pas propice au sport. C'est pourtant la meilleure période pour s'y remettre. Alors je vais vous dire pourquoi. J'ai 4 raisons de reprendre le sport en automne. Quand vous débutez une activité, l'envie et la motivation sont à leur maximum, hein, et vous serez moins affecté par la grisaille et les intempéries. Et par la suite, avec le retour des beaux jours, eh ben, tout vous paraîtra encore plus facile. L'activité physique aide à éliminer le stress et à vous sentir mieux dans votre tête. Cela vous permettra de traverser l'hiver sans dépression et ni baisse de morale. Le sport renforce vos défenses immunitaires et vous aidera à passer l'hiver sans tomber malade. Et enfin, le sport vous permet d'éliminer les calories et vous pourrez donc fêter les fêtes de l'année sans perdre de poids. Sans prendre de poids. De poids. Sans en prendre. Merci Damien pour ta bonne chronique. Oui, effectivement, on aura le temps à Noël et à Nouvel An d'en prendre du poids. Pas de problème. Merci. Et maintenant, on retrouve Alain, notre spécialiste du jardinage, qui ce mois-ci, je crois, là, tu vas nous parler de conseils de déco pour l'automne. Bonjour à tous. Le plaisir de l'automne est là. Parents, amenez les enfants, les petits et les grands, dans les parcs et dans les champs pour ramasser de jolies feuilles de toutes les couleurs et de formes variées. Avant de vous en servir, demandez aux parents un grand journal pour mettre les feuilles, pour les faire sécher au moins une semaine. Ensuite, vous pouvez les trier, prendre les plus belles feuilles, les mettre dans un bocal, les autres, avec les parents, les accrocher contre un mur avec une punaise, et ceux qui restent, les accrocher sur une fenêtre. N'oubliez pas surtout les marrons. Ceux-ci, mettez-les dans un petit panier sur une table pour décorer, et les autres, demandez aux parents, avec un petit tournevis, de faire un petit trou dans les marrons pour y mettre des allumettes pour faire des personnages. Bonne décoration et à bientôt. Merci Alain. Et ben voilà effectivement des bonnes idées de déco. Alors on se retrouve déjà à la moitié de cette émission. Il est l'heure de notre pause musicale. On va faire un petit coucou à tous nos amis du Québec et à tous nos amis lorrains qui y travaillent ou qui sont étudiants à Montréal et dans tout le Québec. On va écouter un groupe très connu là-bas qui s'appelle les Cowboys Fringants avec un titre qui exprime bien notre émission puisque ça s'appelle Octobre. Allez, on écoute les Cowboys Fringants et on se retrouve juste après. Il y a tout le temps 4 ans d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Il n'y a point de repos pour l'éternel insatisfait. Ceux qui en veulent toujours trop récoltent souvent que des regrets. Il y a des jours où je me dis que je marche à côté de la vie. Je la salue de loin sans jamais croiser son chemin. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir. Être à la course, exister sur le pouce. Pogné dans le tourbillon, je pédale après quoi au fond. On veut tous s'arrêter, mais on est happé comme des cons. Par ce monde de cinglés qui fait qu'on regarde plus les saisons. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une autre année. de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Eh bien, merci aux Cowboys Fringants. On retrouve notre deuxième partie d'émission avec Laetitia qui revient. Halloween est pour bientôt. Alors Laetitia, je crois que tu nous as préparé un repas spécial Halloween. Oui, tout à fait Lionel. Alors, là, c'est la soupe d'Halloween. Je l'ai faite, elle est super bonne. Alors pour ça, il vous faut 2 kg de petits ronds, 50 centilitres de bouillon de volaille, 200 g de crème, 50 g de parmesan. On peut saupoudrer de la muscade, poivre et du sel. Elle est toute simple, rapide, facile et super bonne. Et ensuite, c'est en dessert, c'est les doigts de sorcière. Alors, pour ça, il vous faut 200 g de farine, 80 g de beurre, un sachet d'amande, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre, de la confiture de cerise ou de framboise. Il vous faut tout d'abord mélanger la farine, le sucre, le beurre fondu et la vanille. Et avec la pâte brisée, faire des boudins pour faire la forme d'un doigt. On met au four 15 minutes, on colle une amande avec la confiture au bout du boudin, ça fera l'ongle du doigt et les enfants adorent. Voilà, donc j'ai entendu, on nous colle une amande. Oui. Ouais, 135 voilà. euros. C'est 135 euros, Damien, bonne idée. Eh bien justement Damien, merci Laetitia. Damien, on te retrouve pour ta deuxième chronique, et cette fois-ci là aussi c'est culinaire puisque c'est une recette de soupe détox. Raconte-nous tout ça. C'est ça, après avoir passé une bonne séance de sport, je vous invite à prendre une bonne soupe pour retrouver force et vitalité. Alors, il vous faut 2 courgettes, 3 blancs de poireaux, 3 branches de céleri, une tête de fenouil, une gousse d'ail, une poignée de feuilles de persil, une cuillère à café de cumin, 1 litre d'eau, sel, poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, il faut rincer les légumes, puis les découper en cubes de même taille. Il faut les faire suer. Alors, suer, ça veut dire, ça veut pas dire les embêter, hein, mais d'ailleurs, ça veut dire quoi, suer les légumes? On les repasse un petit peu dans une poêle avec justement le petit filet. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, vous faites comme Lionel il vient de dire, dans une grande marmite avec de l'huile d'olive pendant 5 minutes. Couvrez avec l'eau jusqu'à recouvrir les légumes. Ensuite, faut les faire cuire à feu moyen pendant 20 minutes en couvrant. Et ensuite, vous pouvez ajouter le cumin et mixer votre soupe en conservant, bien sûr, l'eau de cuisson qui contient des vitamines et des minéraux. Et surtout, servir en saupoudrant quelques graines de cumin. Voilà. Eh ben voilà une excellente recette, non seulement pour le sport, mais aussi pour tout l'hiver, parce que ben, pour pas prendre froid, il faut protéger son organisme, et il n'y a rien de meilleur qu'une bonne soupe. C'est ça. Merci Damien pour cette belle chronique. Eh bien maintenant on retrouve Alain avec sa deuxième chronique, jardinage. Tu vas nous parler, je crois, là, ce mois-ci, des petits travaux de jardin à faire en cette saison. Oui, bonjour Lionel, et bonjour à tous. L'automne est arrivé. Pendant ce temps, arracher les mauvaises herbes et surtout les racines. Baisser les endroits inoccupés. Ne pas casser les mottes pour que l'eau rentre bien entre la terre et qu'elle soit bien aérée. Et que les vers fassent la fête. N'oubliez pas de mettre de l'engrais perlé, c'est-à-dire en forme de petite bille, qui sera plus efficace que de l'engrais en poudre. Merci pour les légumes et les fruits que nous avons eus. À bientôt. Merci pour ta chronique. Et oui, le jardin, quasiment toute l'année, on doit s'en occuper. Alors, maintenant, c'est Vincent qui revient nous parler d'un artiste, d'un jeune artiste nancéen, qui s'appelle Antoine HLT. Yes. Alors, Antoine HLT, donc c'est un jeune auteur-interprète nancéen. Depuis 2004, Antoine a commencé en tant que dessinateur et a reçu le prix Écureuil d'or au concours de la BD scolaire organisé au Festival d'Angoulême. Entre 2010 et 2017, il cultive ses réalisations. Il publie ses dessins dans quelques revues, dont Le Nouveau Jour J. Parallèlement, il commence à écrire ses textes, ses chansons. En 2013, sort son premier single Summer Love, Love is LOL, en 2014, édité en maxi CD. Un petit extrait de Love is LOL. Son premier album sort le 13 août 2017, qui s'intitule Le sens des marches, et il reçoit le prix Poésie en musique de la SPAF en Lorraine. Son nouveau single, Végétarien, sort le 9 septembre 2019. Résistance, en novembre 2019. En 2020, sort son nouvel album, Petit morceau, le 27 avril 2020. Chercheur d'or reçoit le grand prix Georges Chelon de la chanson poétique 2020 au concours de la SPAF. Alors Vincent, Antoine Achelté, on le connaît bien au GSA? Oui, effectivement, il était là pour tourner un clip. Et il y a 4 ans, il y a Antoine qui a invité à la braderie solidaire du GSA. Ah oui, voilà, oui, on le connaît bien, Antoine et tous ses amis musiciens. Un petit coucou à David, un petit coucou à Antoine, à notre Antoine, son guitariste. Il nous avait fait l'amitié de nous inviter à participer à ses clips d'une de ses chansons qui s'appelait Les grands hommes de l'inconnu. On l'a invité à un concert et on le reverra très bientôt, je l'espère, sur les scènes de Nancy et bien au-delà. Les grands hommes de l'inconnu vont en mer sans faire de vagues. Sur leur barque nul n'a vu d'armes de gloire ni de rage. Certains cherchent les tempêtes et à les avoir vaincus, puis demeurent dans les têtes comme héros de la vertu. Les grands hommes de l'inconnu vont au bout de leur voyage et par les sentiments mûs emmènent leur entourage en chantant leur sérénade à ce monde tant et plus pour de tendres escapades au pays de leur vertu. Et vous pouvez retrouver Antoine Achelté sur les réseaux comme YouTube ou Facebook. Très bien. Merci Vincent de cette belle chronique. On va nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. On va vous donner quelques bonnes infos qui se dérouleront prochainement à Nancy ou dans les environs. Alors, ce premier bon plan pour ce mois-ci, il se situe à Neuve-Maisons, où une famille déménage de la région et fait ce qu'on appelle un vide-maison. Alors, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a des livres, il y a des meubles, des buffets, des micro-ondes, etc., etc. Il faut se rendre directement, soit les vendredis de 16 à 20 heures ou les samedis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Et vous pouvez avoir tous les renseignements en contactant monsieur ou madame Gerdol à Neuve-Maisons au 07 81 99 57 17. Alors, notre deuxième long plan se situe tout près de Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy, où va être organisée une bourse aux jouets et aussi une bourse aux bric-à-brac. Alors, ça va se passer à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin, allée du Champ, à Vendeuvre, tout le monde connaît cet endroit. Le lundi 19, le mardi 20, c'est là que vous venez déposer vos affaires pour les vendre. Et puis, le mercredi 21, de 9h à 17h, tout le monde est bienvenu pour faire de bonnes affaires et acheter jeux, bric-à-brac et plein de choses qu'on peut trouver qui feront toujours plaisir à des enfants, par exemple pour les prochaines fêtes de Noël. Et le troisième bon plan, il se trouve à Liverdun. Ce sera le samedi 10 octobre de 9h à 17h. Vous trouvez à Vride-Grenier des bourses aux jouets, des affaires de périculture. C'est, vous savez, au Grand Gymnase, au l'espace loisir, rue de Quimper à Liverdun. Et pour vous renseigner, pour peut-être déposer des affaires ou simplement venir, téléphonez au 06 13 52 11 54 avec la période du Covid. C'est toujours mieux d'appeler avant pour être sûr que les manifestations puissent être maintenues. Eh bien voilà, notre émission se termine. On va remercier tous nos chroniqueurs, on va remercier Alain, on va remercier Vincent, on va remercier Damien et on va remercier Laetitia. Je pense qu'on vous a donné tous et toutes de bons conseils. Nous reviendrons le mois prochain pour une nouvelle émission. Les fêtes approchent. Je pense que nos sujets vont tourner autour de la préparation des fêtes et du mois de décembre. On poursuit les programmes de Fadjet avec dans quelques instants, je crois, le très en forme. Et puis, la suite des programmes de Fadjet. Nous, on se retrouve le mois prochain. On compte sur vous. À bientôt. Bonne journée. Bye bye.